Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 62. Des vertus théologales. Nécessité des vertus théologales. Ce qui les distingue des vertus intellectuelles et des vertus morales. Quelles sont ces vertus? Leur ordre. 1. Y a-t-il des vertus théologales? La loi divine prescrit sans doute des actes de vertu. Or, elle renferme des préceptes sur la foi, l'espérance et la charité, car il est écrit, « Vous qui craignez le Seigneur, croyez en lui, espérez en lui, aimez-le. » Ecclésiastique 2, 8. La foi, l'espérance et la charité nous mettent, on le voit, en rapport avec Dieu. Elles sont par la même théologale. Il est pour l'homme deux sortes de félicité. L'une nous est proportionnée, nous pouvons l'obtenir par nos facultés naturelles. L'autre est la béatitude surnaturelle à laquelle nous parvenons par une certaine participation de la nature divine, conformément à cette parole de saint Pierre. Par Jésus-Christ nous devenons participants de la nature divine. Deuxième épître, 1, 4. Cette béatitude dépassant les proportions de notre nature, nous ne pouvons la conquérir par nos forces naturelles. Il faut alors que Dieu dépose en nous certains principes qui nous mettent en rapport avec elle, de même que les principes naturels, aidés de l'assistance divine, nous amène à notre fin naturelle. Ces principes reçus d'en haut s'appellent vertus théologales. Ce nom leur est donné, soit parce que, nous unissant directement à la nature divine, elles ont Dieu même pour objet, soit parce que Dieu seul peut les produire dans nos âmes, soit enfin parce qu'elles nous ont été révélées par Dieu même. Note. Connaître et aimer Dieu comme auteur et fin de la nature est une chose possible et naturelle à l'âme humaine, mais le connaître et l'aimer par ses seules forces comme objet de la béatitude, voilà ce qu'elle ne saurait faire. Dieu n'était pas obligé de nous destiner à une fin surnaturelle, mais, puisqu'il nous y a destinés, il doit ajouter des forces d'un autre genre à nos facultés naturelles. Fin de la note. 2. Les vertus théologales sont-elles distinctes des vertus intellectuelles et des vertus morales? Il est clair que ce qui est au-dessus de la nature humaine se distingue de ce qui ne la dépasse pas. Or, les vertus théologales sont supérieures à notre nature, au lieu que les vertus intellectuelles et les vertus morales n'en excèdent point les proportions. Il s'ensuit qu'elles se distinguent spécifiquement les unes des autres. En effet, l'objet des vertus théologales, c'est Dieu même, en tant qu'il surpasse notre connaissance. Celui des vertus intellectuelles et des vertus morales peut, au contraire, être compris par notre esprit. Les unes nous perfectionnent surnaturellement, les autres naturellement. Voilà ce qui établit une distinction essentielle entre ces vertus. 3. La foi, l'espérance et la charité sont-elles des vertus théologales? L'œil de l'homme, dit l'apôtre, n'a pas vu, son oreille n'a pas entendu, son cœur n'a point compris ce que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 4, 9. Ces paroles montrent que notre intelligence et notre volonté ont besoin de la grâce divine pour se mettre en rapport avec la béatitude surnaturelle. Il faut donc à ces deux facultés quelques secours qui les aident à s'élever à une telle fin. Voilà pourquoi Dieu surajoute d'abord à notre intelligence certaines vérités qu'elle perçoit à l'aide de la lumière divine, et ce sont elles qui forment l'objet de la foi. Il surajoute ensuite à notre volonté certains principes qui la dirigent vers notre fin surnaturelle comme vers un objet que nous pouvons atteindre, c'est l'espérance. Il lui communique enfin une sorte d'union spirituelle qui la transforme, pour ainsi dire, en cette fin elle-même, c'est la charité. De là ces paroles de saint Paul, maintenant restent trois choses, la foi, l'espérance et la charité. 1 Corinthiens 2, 13. Aucune puissance naturelle ne peut atteindre d'elle-même ce qui est au-dessus de la nature. L'intelligence et la volonté ont en elles tout ce qui leur est nécessaire pour se mettre en rapport avec leur fin naturelle, mais non pour s'élever à la béatitude, qui est surnaturelle. 4. La foi précède l'espérance, et l'espérance la charité. Dans l'ordre de génération où l'imparfait précède le parfait, la foi précède l'espérance, et l'espérance la charité. Note. Ceci doit s'entendre des actes, les habitudes sont infuses simultanément. Fin de la note. Pour espérer et pour aimer, il faut avoir perçu, or, l'intelligence perçoit par la foi ce qu'espère et aime la volonté, la foi précède donc tout à la fois l'espérance et la charité. L'espérance précède aussi la charité, car si nous espérons recevoir un bienfait d'une personne, nous la regardons comme notre bien et nous aimons, parce que nous espérons. Dans l'ordre de perfection, le contraire a lieu, la charité passe avant l'espérance et la foi, parce que, mère et racine de toutes les vertus, elle donne à la foi et à l'espérance leur véritable forme, en les élevant à la perfection de la vraie vertu. La suite nous le fera comprendre. Note. L'espérance a deux objets, d'abord, un objet principal qui est le bien espéré, sous ce rapport, elle est précédée de l'amour, car on espère un bien que tant qu'on le désire et qu'on l'aime. Elle a ensuite pour objet secondaire la personne dont on espère un bien, ici, elle produit l'amour, et ensuite l'amour la produit à son tour. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.